Conte soufi, le sitar du bonheur. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. C'était un homme droit et sincère qui cherchait le chemin du bonheur et de la vérité. Il alla un jour trouver un vénérable maître soufi dont on lui avait assuré qu'il pourrait les lui indiquer. Celui-ci l'accueillit aimablement devant sa tente et, après lui avoir servi un thé à la menthe, lui révéla l'itinéraire tant attendu. C'est loin d'ici, certes, mais tu ne peux te tromper. Au cœur du village que je t'ai décrit, tu trouveras trois échoppes. Là te sera révélé le secret du bonheur et de la vérité. La route fut longue. Le chercheur d'absolu passa mains, cols et rivières, jusqu'à ce qu'il arrive en vue du village dont son cœur lui dit très fort « C'est là le lieu, oui, c'est là. » Hélas, dans chacune des trois boutiques, il ne trouva comme marchandise que des rouleaux de fil de fer dans l'une, morceaux de bois dans l'autre et pièces éparses de métal dans la troisième. Fatigué et découragé, il sortit du village pour trouver quelque repos dans une clairière voisine. La nuit venait de tomber. La lune remplissait la clairière d'une douce lumière. Lorsque tout à coup se fit entendre une mélodie sublime. De quel instrument provenait-elle donc? Il se dressa tout net et avança en direction du musicien. Lorsque, stupéfait, il découvrit que l'instrument était une sitar faite de morceaux de bois, des pièces de métal et des fils d'acier qu'il venait de voir en vente dans les trois échoppes du village. À cet instant, il connut l'éveil. Il comprit que le bonheur est fait de la synthèse de tout ce qui nous est déjà donné et que notre tâche est d'assembler tous ces éléments dans l'harmonie.